L'électronique moderne nous permet de comprendre ce qu'on peut faire avec avec la lumière et puis le son. Là. Computer, les hologrammes. Imaginez-vous des civilisations qui ont 100 000 ans sur nous-là. Puis on veut rencontrer ça. On a de la misère à se torcher tout seul, sans beurrer nos mains.